enfin les congés. C'est le mois de juillet. Quand vient l'été, le bleu ensoleillé est retrouvé. Mon île de beauté, en plein mois de juillet. Ma Corse aimée, à chaque instant, on clame des serments. Car au tourment, au drame, au coup de sang, et retrouver mon île de beauté en plein mois de juillet. Ma Corse aimée. Densa, densa, densa, densa, densa, Corsica. Densa, densa, densa, densa, densa, Corsica. Et retrouver mon île de beauté en plein mois de juillet. Ma Corse aimée, Tino l'a chanté, sa voix s'est envolée. En Méditerranée, son charme a tout gagné. Et retrouver mon île de beauté en plein mois de juillet. Ma Corse aimée. Densa, densa, densa, densa, densa, Corsica. Densa, densa, densa, densa, densa, Corsica. Et retrouver mon île de beauté en plein mois de juillet. Ma Corse aimée. Densa, densa, densa, densa, densa, Corsica. Densa, densa, densa, densa, densa, Corsica. Et retrouver mon île de beauté en plein mois de juillet. Ma Corse aimée. Densa, densa, densa, densa, densa, Corsica. Densa, densa, densa, densa, densa, Corsica. Retrouver mon île de beauté en plein mois de juillet. Densa, densa, Corsica, ma Corse.